Roger Mbunga na Irlande. Juju Mwanga le Playboy. Felita Mukiana. Et j'ai des défaits. Damien dit mon équipe. General Fulangenge top one. Aleko go go imbiko. Aleko go go imbiko. Shibele kwa. Aleko go go go go imbiko. Seda la loi. Bati Asambe Silva Vita. Choupette Ibamu Munanga. Africa. Yazizi Mopati be within Limba. Eme Kibangula Namien. Jean-Marie Malinda Bouffet. Patrick Mukuna, Mefa Serge, Fortina Boulantou. Jolik Lukulasi, Pichu Efa Lukulasi. Ibrahim, les mères de Colombe. Santos Kikaki et Adrienne Adil Fenabundes. Costa Kabuya. Vire ce Puki. Vibles Londole. Alumana yete ye. Abiso na biso bangwana bangwe. Abalumana yete ye. Abiso na biso bangwana bangwe. José Tumba. Abalumana yete ye. Abiso na biso bangwana bangwe. Didi Kinwani. Malu Bomboka. Dr. Loami. Harry Wolf Money Nick. Vine Monica. Dijon. Alain Maswa, Mel Gibson, Marianne Mossano. Toaster Music, Blandine Bibi, Ma Brigitte Nakode, Bana Genevile. Atianga, Atianga, Atianga, Choupouin. Koeba Kosolola, Yangonde récite na la vie d'un homme. Hey! Hey! Oh! Nini wana? Bobanga tezane non komete kwe na kata terrain kwa. Bobong saba arme de guerre. Les grands boss Ahmed Bakayoko. Salama. Yves Dembela, Patrice Nostalgie. Nika Fondi. Papa Ndenge, Papa Bakala, Papa Dabira à Brazzaville, Yagim Bwala, Denis Denge So. Qui est mon édile? Médard Moussodia. Qui est mon édile? Image et musique. Oi, oya, onyata, oya, oi, oya, onyata. Ici chez Al Capone, les grands prêtraillés. Titi Monato Full Boss, Roger Lino. Lukula, si les Don King sans conquérant, bien Munda du Grand Hôtel. Commandant Harry Capel. Jean-Jacques Bayonne, Ali Papou d'Abidjan, Salon la Coste de la Bandane, Roy Scobar, Virgil Kagraf. Commandant John, essentiel la Bandane chez Vier Thomas. Y'a Constant Omari, y'a Michel Kabea. Si papa na Jérémy, Nadine Makita Kana. Boutoulou mané, le kwa mouji ma kwa ma morogodo. PDG Lou Moukama. Boutoulou mané, le kwa wawo kwa kala. Mana kousaka koumbele mele koba ya ya ya ya basse moi. Jérémy Dengoy. Bacho Mouluba, les silences d'or, Amadou Diaby, Mohamed Kanyansi, Adam Bombole, Papa Yokampela, Nene Makitaka, na mère Santa. Julie Ilumbe, Pepe Akunzi, Christian Akwasa, mère Ebe, mère Sagi Charoufa. Paris, Londres, Kinshasa, RB Mass Production, assurance totale. On ne dit pas n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quel moment. Boko finga bozi na ngai, emili fata ki fote na binote, makalinsi na binote na simbi kisi mawato. Patrick Kilala. Ikunya na bomoi malamute, ikamata ebongaka na indirete. Kamade oya pete pete, kufaka tango abuka boli mosolo. Bikompe bozu na ngemili, etininga lelo, nazala na bine miyongo. Tango na zalaka, moto ya mpasi na komakali, seki na fami pe na kartye. Na famille, sans présence dans les mille solutions et qu'on soit maté. Rabat ma chère. Nanda Wanzambe va covani sanga liboso. Surtout la bafeti va conservir libosonga. Mokili et linga boke senika si bosse mbote. Defisana mokolo Naifa taki na defisa bino bambongo Lelo ba oyo na salisa bako bako chola kanga Kwa mope mananga ezali ya charite Naifa taki Na boutique Elsa, na Lukwila, na Lemba Emili fataki ba bote Ota laka Janssen Ota laka Jade Mayakapongo le grand cadre Titina. Mon pauvre, mon ponzi. Guilain qui doume, hein. Est-ce que n'a comme un motema, ma belle cola l'icône? Et à pas infirmier. Est-ce que n'a comme un gentil, gentil, le cola élève à lui? Diplôme d'état. Naïna Boukiba, calé à Mokili. N'a vivre le cola, j'ai mon tingia. Vivre le cola Bob et ma sœur, na vivre le cola Fula Mambo, Mimi Dispil, Jamaya Kapongo, Jose Inoe, Lumumba Okita. Timba Tipati Yavewa, bon dia, Kolo Luanda, Koli Vila na Luanda. Vous aurez mon conduit bien. Majan Ramazani, Maître Braille, Gina Mwaka, Isala Gayon, ADP Queen, Yolande Katundo, Dieta Kabuya, Yo Maître Dashi, Nayo Maître Paye, Di Murphy. Mais vous comprenez mon conduit bien. Maître Dada, Yola Bolso le Mogroso. Kina Kina Mbuidi, Yakana Libayadi, Tatiana Infokuna Canada, Atabalataka, Simon Bongo na Londres. Laurent Lorenzo, l'homme de l'année. Est-ce que l'on commande mon thème à ma belle cola l'icône? Y'a pas infirmier, non, non, et moi. Est-ce que l'on commande gentil, gentil, le cola élève à lui? Diplôme d'état. Kaïna Boukiban Kale à Moki. Na vivre le cola d'Alson Mandela. Na vivre le cola Isaac Rabin. Na vivre le cola Dalai Lama. Vivre le cola mère Teresa. Ma vie d'avant c'était l'enfer. Maintenant c'est le paradis terrestre. Nakumi Sinzambe na ndenge a pamolinge mili fataki. Mon pauvre canon caca. Ah. Amen. Ana mama na Christopher, Dede et Pichu Kombe, Betty les bourgeois, Kelly la béninoise, Efelina Baebate, Igi Matutu, Adi Londole, Albert Nzita, Molisha Babadi, Bana Orléans, Restaurant Internet chez ma Marina Orléans. Kaetan Fangu Foste Sumbu Mi bandela mokili tabe azala kaseme Na makani sima e apo akili mobali Mpena sima keli mwasi na mopatia mobali Bekison okunji kojo fis heroin Ture pelo zali mobali oya ya la vinanga Yeba elo bama uta mungoko na biso Mokola ya mbona mona kayo basola kanga motema Bana Chaco Zoto ya fome zambe ya piso eko bangi samba Miso na ye, iku ngala luko la moya midi Elegance ya mbote ni ama ya talo Lopo son zoto, moselu luko la molo ya maye Gil Esther, Chantal Kokama, Marie Moke Lundumba, Pek Shungu Mondo de Mouj, Bichu Mukalenga Mobali oyo ya la vinanga Yeba elo bama uta Bunkoko na biso Mokola ya mbona mona kayo Pasola kanga motema Pamuke Pacho batete Zoto ya fome zambe ya piso Eko bangi samba Miso na ye Eko ngala luko la moya midi Elegance ya mbote Nya maya talo Lopo son zoto Moselu luko la moro ya mai Chale Chamba Dance Mayemba Bianco Lupusa Daddy Soso Chieri Koli Bey Kanto Oh, Pamukene Foyagile Joël Killer, José Bianga. Nara vieye, basa tu nyoso, ba memi sutani, ba lingi ma yingela, Ecclesia Maria J. Awana zanga na ngamo, solo reclamo pa hoya melanga. Awana zanga na ngamo, awana zanga na ngamo, solo de kotu koko ya melanga. Awana zanga na ngamo, solo de shayi mokilie. Ize bola na tutu roba Chale monele Mambo de Panama Bengela na jiji danie Wasenga kimpuni Bengela na ade otanto wade Shana peko Wapi yolo rite la kangolede Tayirudia loe Naleli yo yo yo Wawawawa ize njoli Kamione de mola na ma Opa muge neko ya gile touche à mon poteau. Communication chez Arriva Général Foulangenge Top 1 Aleko Ko Ko Imbiko Aleko Ko Ko Imbiko Jibé de Kora Aleko Ko Ko Ko Ko Imbiko C'est dans la loi Bati Asabe Gilles Vavita Choupette Ibamu Munanga Africa Yazizi mon parti de Wivin Limba Aimé qui bamboula na mien Jean-Marie Malinda Bofé Patrick Mukuna Mefa Serge Fortina Boulantou Jolik Lukulasi Pichu Efa Lukulasi Maki Oya boda boda bili bele nye chiki mafuna boshe mwana Oya ya bili bele onye chiki mafuna bo Musala kobe enga beti momi Ibrahim Kobe enga beti momi Jas Le mer de color Yangana mabela yonjibwe Yangana mabela yonjibwe Shina mamale Yangana mabela yonjibwe Santos Kikaki Adrienne Adilf Nabundes Lorenzo Motema ya Chuke Ilunga Aleko Ko Ko Imbiko Roger Maeva Grande Puissance Ko Ko Imbiko Motakisi ya Anta Chane L'homme prudent voit le mal de loin Lina Travel Mokile Mobimba Tata ma passe à Schengen Place Boza la Mayele Charles Kabuya, Freddy Masombo, Edi Bamba, Bolo Belela. Avançons, avançons, Tozonga Simate, Pomo Kile Tambola. N'est-ce pas Robert Braza, Africa numéro 1. Carlito number one, Claude Eden, PDG Luison, président Bobo à Londres. Alex Boissel, Africa Mondo, Papa Jean Arlesden. Flambeau balais. Luisan Polondo Zambalo bana mokili ya sebo ye Mosu ya pasinda ya huko manda misengo Vie Babs Exo Musique Yamalu Longondo James Kanda Kanda Olivier Sinistre Rajungoma SFR Titina Alcampone Mbwinga Laila Imazi Madaka daka, tout l'antaka dit, même ce qui dort. On a la vie salaké, papa, panga, mounou, ah, ah. Mounou, salana, mongo, salaké, banana, la vie. Pemama, salaïti, moukounia, papa, pemama. sol nga ya la maintenance la bonde sala ke baba panga munu ma o je mato ko mune sala ke bana la vie raida sala iti muku dia papa pe mama ne mama e mama o kala mayele na la vie malembe to kwendi la mama e mama o kala mayele na kini eten mundele papa le grand prêtre na canada Nyanga en dollar qui rayonne. Na soma yanga babele. Na sala yanga famille winga. Na tonga yanga lopango. Na tonga yanga ndakoli futi ya musala. Na tanda biswa zambe. O na nini beba ngonga ite alka boni. Seze twe maba kuketa. Na la vina ngatitina makasibe na musala. Malembe. Malembe, yadila Bako finga bako lemba Bako tombo ngana koleka Dadi celebre Uda mate so Mawana bango, mawatro Eba nyati sende bazo eba tekwa Abenga mwinga na zole Pena kukoma Ona la pisa la keba Mampanya munu mama Mampanya munu mama Ona la moko sala keba na la Hey, yeah, yeah. Ukala iti muku dia mama Danilu mama Ndiye mama ukala mayele na la vi Giba pius Ndiye mama ukala mayele na kini Ema opesho jitu mukeni Ukala pisala ke baba panya munu mama Ye mama mama Ukala na mongo sala ke bana la vi Ukala iti muku dia mama pe mama Ndiye ditu didi Ye mama ukala mayele na lavi Ye mama ukala mayele na kini Ye vosyona Ingenieur Ciel Mula Abati Kofanda yo yebi Akiye, akiye, akiye tikina kilieba Vero matuta kiye tikina kilieba Serge Ngonda, Peggy Kodia, André Kisonga Aleko, ko, ko imbiko Dade Nzola Ko, ko, ko imbiko Vida ko, ko, ko, ko imbiko Salon de Best chez Papi Kanza Président Landu Alain Poiti, Manoulou Vaka Non, non, non, non, non, pour mettre Non, non, non, non, non, pour mettre A son qui n'a bengi au tchakou, a poussa go loba e Son qui n'a bengi au tchakou, a poussa go ganga e André Motos, Mela Bikofo Maître Alpha, Tonton Lama Giri yo yo yo yo, giri yo yo yo yo, giri yo yo Nanya benye lima benye mande balo dole shenye ben Nanya benye lima gelo reyu yo Nanya benye lima, nanya benye lima gelo nyere Mao Kokama ya Bibish Lumingu Yula Bolt, le chef d'entreprise Pipo mayanga lala, atuzwa kundale Francis Roy de Gaulle, Dede Bikofo Mbala Jules, Dado ya Fanny Firi Jana, Kosi Kosmalto, Messe Borel Rocky Sita ya Nadine Nsilu Mwana Numba Bebele kia kwa malani kabelanga Eyo mwana moke yoro kwa matina yo kende tando makolo Imoraide kabakadya, kotali mungu kabakadyo Kabakadye, ala nyanyi kika Jean-Michel Michel Lokyo. Samusu Madobula Neli Bomei Anshkoi Dabu Fatu Anidembo Anne-Marie Botuli Ale Mafumba Klepin Echeri Boyo Kakolela Ya Pompom Miyake Mapepe Makasi Epikali Banzete Mpe Buki Mirianda Kona Kosi Potete Lude Chajo Yo Sungolinga Gilendonga Si portete lu de charge yo sundolinga gilendongala Si ma mo tango va pesinga mo kanda matangi Paradis terrestre comme lingai adieu Ivone Kabamba Na ye ko e batina ya mo pepe wana Ngai wana biso ma bongwani Esengi intervention ya papa Soma bongwani Esengi intervention ya mère de la ville Vie Godard Motemona Le maire de la ville Molino esengi fo Esanga matoi Litangi nanganyaso ya malo balamu Nasili si kolo belandongala Che koko brujite teka Tala lelo no kolo ya domingo Mono kwanda kwantambe fungwani Ba frère Oyo ba mesana kozu wangai Ba tuni agilo Koko Gwana, Dyson Likombe Moligo ezangi misoro Ezanga matoi Litangi nanganyo soya malo balamu Nasili sikolo belandongala Bebe Mukendi Tala lelo mokolo ya dimanche Mono kwanda kwanda befungwani Ba frère Oyo ba mesana kozu wangai Batu ninga igula Mi Jose Nzete Moindo Clarissa Pso Bebe Chanda Fallon Makita Kana E anonangai sema ina miso Ata poliwa ya tatana lela kaboyete Bonini yoko misingai ebava motu Kaliboso ya bala bala Ndako ya batu wa magoma Nabutu Freddy Mokolo, François Mokolo Mabe oyo bako kikolemba ko bongisa gile na monite Iata to solo la to vanda Loko la ba politicien to luka solisyon Pepe Tongudi Yo kabifanga la matema nanga epa ya nani Mabize Yo le roi de la sape de tous les congolais gile Jiji kakatuku beya katuku Fleur, fleur, fleur, fleur, fleur de la vie Freddy Likenjo, Oki Gilin, Papa na Gili Fanfan Molato Ya Willy Blanchard, Alfonso Tango, Mario Raffaello Président Waro, ma mère, Ado, Kamol, Inter, Bolo Belela Raymond Pembele, Richard Mwamba, Martin Likombe, Serge Kadilou, Mena Kanouji. Christian Lusakweno, Radio Panique, Jean-Marie Kassamba, Sam Pengombe, Zakari Bababasu, Le Mola, Diedone Yangumba, Joga Gilles Mpunga, Marc Tabou, Popol Mukelenge, Ponti Lombe Binonde Bapandi Samboya Solo If Kambala PDG Ladilouya Visa 2000 Elvis Boibanda de Genève Hippolyte Mbungu Mbenza Gisèle Maziku, Karine Mwaka José Elili Kamboleta Bolé Mukendi Rita Fonda, Florence Kimpwidi Mamilo Dama, Neslimbaki Bosco Tuvengana, Fifi Pongo Zaza Zafreya Mabea, Ancêtre Mira Nelly et Gisèle Mbela Papi Tombala, Dade Mpoko Igete Mboma Wadon Fumu Lola Sema Ya Willy Wilco Fred Molendo Sakomi ya Clemanie Mwe J.P. Kaumbu Eric Nzondo, Aimé Batapi, Jacques Chinja, Eric Lema Yazezeze Graforce, Alain Saint-Pierre, Tumba Masikini Amen. Un abolingo et singi compréhension pour vous vivre longtemps. Nelly Deingo et Sergino, Pepe Kila la motema Youssouf, Mimi Kaluji, Sisi Delgado. Elodie Lokolanza. Papana Nathan, Hexagone Sécurité, Claude Capena, Equilibre Kanga, Vie Fanfalonga, Wivine Kabea, Chicho Lembe, Vie Sami Matobo. Sin mambuene Chantal et Balé Chéri Tofolo Gilles Chapojou Iguet Malamba Africa numéro 1 Jolie Dibala Chantal Dibala Cadre Titina Elise Belo, Papa Jerry Makita Kana. Kobote Lengye. Neti Kongo. Cherera Chef de l'Exambour, Roger Mbunga en Irlande. Mon directeur Lievena Beach, Yado Makobo, Ya Willy Bea, Viesami Mikobi, Santos Santa Maria, Atis Photo La Main d'Or. Vieux Meda, président Bovic Basakila, vieux Joris, commandant Kaska Songo. Papé Sakaba, chance Payan Zambé, Botika Atisse Azuana Ndenge Naye. Papé Sakaba, chance Payan Zambé, Botika Atisse Azuana Ndenge Naye. tana ye abandana bino bomesene utaro mwana boni lelo Judas ya teki moninga na ye komanda mwiri likambo ya kobomba suka seko mambo nene akotikate kokobo mayako asali na ye mosantu aboya na ye masumu mwana oyo asengi liberte na nzoto na ye baomika shama likambo ya kobomba suka setu mbamboka akotikate akotikate pichu bwengo asali na ye mosantu aboya na ye masumu mwana oyo alingi liberte na nzoto na ye bapicha kolombo oh, oh, atise c'est le bambano, hein? Liberté, liberté, Atisse, Imao. Liberté, Atisse. Moro, mi choco. Papa, na Christiana, Flore, Atisse, Imao. Famille, Ngongo, Nene. Ami, a José, Ngongo, Atisse, Imao. Ami, a José, Ngongo. Bouya, Mayola, Ika, De Young. Les parrains Kofi Olomide Mopao, Gabi Nzinga, Ya Flavien Nzinga, Miguel Sungani et Pauline, Charline Zola, Guilain Zola Bangani. Image d'or à tisser, Papa Ngo, à tisser, image d'oré, Aridjie, Alobakana et Morgado, Michel Ludi, Ludi et Mireille. Image d'or à tisser, Anita Eye. À tisser, image d'or. Mireille Eye. Alobakana et Mingiteo. À tisser, Alingana et Poseka Papa. À tisser, Weli Kodia. Imiana et Amakamo. Lévin et Mwinga. Sunga ya Mama Rosa Atisse photo ngo Benglelo la main dorée Atisse image MC Paolo Ataba fingi na kipate onga Atisse ngo Ataba tongi na landa te onga Atisse Cher Clovis Bele yanga nayo ya makambo na leli na motema no no no image d'or Maître Ligoué, Sylvie Chaco, Docteur Diamona Diasivi, Mazé Carlos, Didier Bedos, Papa Jerry Makita Kana. Dani Lukoki, Didier Dilou. Okaya Bakulutu, Richard Isadoma, Lolo Doma. Maître Bey, na Maître Mapoma, Sécurité. Maître Samba, ya Big John, Loboko. Chiba Chibasu, Pichu Kifaya, Blaise Kinanga, Mukubwa Jen. Benji Lotadila Gigi Lumu, Yves Bonga Sami Dombasi, ancien de Sayo Les vrais Marcela Salon Mina Kwafi, PDG Paul Makela Yaomer Mwela Zuli Zulema flamboyant Jean-Claude Mavamou, commandant Raoult, commandant Espera Kande, Johnny Mustafa, Horizon Masamba, Ali Jabir, Vipo Paul Muga, Chocho Punga, Chef Kadima, Oezé Abino Bakulutudi. Joël Mbetenge, Mbetenge retire la rare à Mbetenge dit. Tonton Mapa Sakal, Omet Freddy Mapumba, Maître Ntoube René Massaba. Action Zakoto, Alain Bola, FBI. Lumumba Okita Bengelanga Idina Cheche, Tolingana, Takolingana. Lingo ya bomwana tango mosusu ebonga kambangue Kweo kakanate susina yo dina cheche longola ah. Na kacha Londres e fuei Maele dina cheche, peti me costo. Yo kamba dina cheche, soki yo kodi wanga Songa mbambo na kini no kina kowase Susi soki ele kimingi na kokondo mama Okokondo ya malali te pesa kasoki na miso ya batu yeah. Yeah. Bozilo mela, Wilfried Bopili Mutu Ricky Fiokoro Apo bika la bengela ngaye Bengela ngaye ah. Bengela ngaye Kana linda maele dina cheche Gode bongei Willy Shungu bengela ngaye Bengela ngaye ah. Bengela ngaye Kana linda maele dina cheche De Griffin Mila Motema ya mwana moto Lani ni ya kobomba ma Soki ya poti na boulevare Bato bako mona ye Denge moko na sekele ya mwana moto Yona Londra enga na kini na basu France Oh lelele mawananga Kapolo wa compressor Leon Mwanga Dorai Kassanda Franka Kili La Roche mokoko benge langa ye Benge langa ye Ah. Bengela ngaye, kana linga maele dina cheche Kope manzenza Moize kangu bengela ngaye Bengela ngaye ah. Bengela ngaye, kana linga maele dina cheche Eme bangula ya temuni biju ewing Jipe mea, Peter Kanku Olivier Pele kwa le chef supreme Seba na loa Marco Moussasa Je reviens de l'Europe et de mon arrivée à Guy Oh papa J'ai dit pas trouvé Maëlle Il s'est envolé pour Ballon Ballondré Et voyons de Bébé Oui, ami à Pablo Malala Pipi Nana Castito Panambona Badiamaye Papi Kamaëlle Sergi Maleli Devaké Micho Kalala Jam Jamoul spatula japonaise. Ali Ekofo. Edi Ilanga, Christian Mafuta. Pata de Londres, Commandant Cousteau, Fabrice Pacosé, Nestor Bessambe Ige Boloa, Debs de Mukalinga, Tonton Jacques na Londres. Moto na moto ngonga ekoki alekizela Matthew Jack Toto Mulamba, bienvenue Bobanza Jean-Marie Joiba Didier Ikoko Simon Lungela, les parfums de Marc Binonde Batonangai Nosali Bikela Mouyanza Mbe changement de fréquence Valeria mwana moto se amabele missiona ya kina mokili na silisi ya mwake na keina susi ya se amabele dosali sana Valeria mwana moto se amabele missiona ya kina Na kei na susi yose amabile Liwe ambala kata nyoso pobo sunga kinga ite Toko miko vivre na la vie a chaque mousso adie boutous Ezala kimo kano yanza mbete Kasi maele ya satana La bambongo Oyo boli akite na bomo inanga Boibi na kabanga Oyo na bomo inanga Ibotela kinga ipamba Valeria mwana moto Ose amabele Ose amabele Misiona ya kinamokili na silisi ya mwote Na kena ndaga Na kena susia ose amabele Valeria mwana moto, ose amabele Ose amabele Misiona ya kina mokili na silisi ya mwote Nganake, nganake Toko mina tango ya baoyo baeda gangai Samba mute samba Ogi kumba didie ditudidi Maître le Mabé double one Elvel Ntsele Aminata Sila Bacho Mouluba de silence d'or Chantou Samba les ballons d'or permanent Koudi Barveri Goluka ou Pepo Magellan Maglore Makumbi Merlet Collection Roger Lino Papa na Fallon Motema ya Pauline Makako Zozo Moutes na Metropolis Na lingo mala congolaise Restaurant Baoban à Rouen chez Vieux Bobby Restaurant Mambasa na Orléans chez Brice Yalbert Lumbila Yonde Monsungenangai Dabazo Sente Christian Ingani Serge Meyal Brandon Kaila Marel René Mokrano Aristote de Suède, Achina Orléans, Issa Japan Bernard Mwinga, Belle Schicker, Emile Lukulasi Jackson Kula, Serge Biokolo, Edingoma Roger Kebina Stete